Este é o jornal. Arc-en-ciel, un amour de SM. Et 13h35, et bien voilà, l'émission Gisèle, c'est de retour avec une nouvelle mois déjà. Ça va très vite, nous sommes déjà au mois de novembre. Ça va très très vite. Voilà donc avec les chansons différentes, avec plusieurs chanteurs et chanteuses, avec plusieurs titres de chansons différentes. Dès un instant, on peut entendre tout simplement un morceau d'accordéon avec Michel Prouveau, avec La Colombe. voici donc, elle s'appelle Barrière, le titre s'appelle Je t'aime, et puis suivi de Nana Mouskouri. Et le titre de Nana Mouskouri, Pourquoi tu m'aimes ? tu m'aimes, puisque tu m'aimes, marie-moi vite, vite, je t'en supplie. Puisque tu m'aimes, puisque tu m'aimes, marie-moi vite, comme tu l'as promis. J'ai pourtant de longs cheveux noirs, de grands yeux noisettes. Quand je me vois dans ce miroir, je me trouve bien faite. Puisque tu m'aimes, marie-moi vite, vite, je t'en supplie. Puisque tu m'aimes, marie-moi vite, comme tu l'as promis. Passer et faire des crêpes. Je sais comment il faut soigner les piqûres de guêpes. Puisque tu m'aimes, marie-moi vite, vite, je t'en supplie. Puisque tu m'aimes, marie-moi vite, comme tu l'as promis. discours. Y'a rien de pire que l'amour, sauf de ne pas aimer. Autant le faire, c'est clair. À tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Elle s'appelle tout simplement Sylvie Vartan, le titre des mots d'amour. Et puis suivi tout simplement de Daniel Guichard, le titre qui s'appelle Je t'aime, tu vois. comme un rendez-vous. Offrez-moi les mouflous sans dessus dessous. Dites-moi les mots purs pleins de démesures. Des mots si extrêmes comme je vous aime. Dites-moi les mots tendres, jolis à entendre. Des mots en demi-teinte, plus forts qu'une étreinte. Des mots goutte à bout, même s'ils sont tabous. Qui vous font trembler sans même vous toucher. Des mots cadeaux, des jeux de mots. Des mauvais slogans, les mots guet-apens qui tuent les enfants presque à bout portant. Retenez simplement les mots intelligents qui reviennent en voix off comme un bruit d'étoffe. Les mots importants, plus forts que le temps. Des mots généreux qui montent vers Dieu. Des mots cadeaux, des jeux de mots. À bout de pile qui laisse inutile, qui mène en bateau et qui tombe à l'eau. Des mots cadeaux et je te mets. Des mots. Des mots verrons à fleur de peau. Des mots. Des mots. Des petits mots clés pour me garder. J'ai dans le cœur plus de tendresse que de discours. Souvent, tu sais, j'ai très envie de te serrer entre mes bras. Pourtant, j'hésite et je me dis que tu vas te moquer de moi. Je t'aime, tu vois, mais je ne dis pas. Je n'aime que toi, mais tu ne le sais pas. Je t'aime, tu vois, plus fort de jour en jour. Je n'aime que toi, comme on aime l'amour. Je ne sais pas te consoler. Quand je vois que ça ne va pas,

pas dans les miens. Oh, j'ai du mal à faire le lien. Je deviens pâle sans tes mains. Oh, j'aimerais tout donner pour toi. Je te donne mon corps et puis ma voix. Oh, je pourrais tout voler, je crois. Je t'offre mon or et puis ma joie. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime plus que tu m'aimes. S'appelle tout simplement Céline Dion et le titre L'amour existe encore est suivi d'Eddie Mitchell. Quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore. Je donnerai tout pour montrer Arc-en-ciel, un amour de FM. Les prénoms, les visages. c'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle, c'est mieux, elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps, bercé par ses je t'aime. C'est bien aussi Alice Donna, tout simplement. Je cours tout le temps après des trains, après des gens, après demain. C'est épuisant, vie, jamais tu respires. T'es un coup de vent qui se mettrait de temps en temps. Tu me parles un peu entre deux portes. Qu'est-ce que tu veux que je te rapporte? Ce que je veux, pour vraiment pas grand-chose. Un mot gentil, une fleur si tu l'oses. Un rendez-vous. Quand c'était aller, de faire l'amante, mon bobinet, en me racontant, tiens, des bêtises énormes. Fais-moi plaisir, pas seulement pour la forme, pour le plaisir. Je veux pas croiser dans mon miroir tous les blasés de 6 heures du soir, tous les paumés qui font toujours la gueule. Oh, je veux pas t'aimer en me sentant toute seule. Même si les tensions s'ajoutent, même si les envies ne tuent des ans, les sentiments. t'embrasser parce que t'as la peau douce, douce. J'aime t'embrasser parce que j'aime le printemps. Autour de toi, il y a des valses qui tournent, tournent. Autour de toi, c'est dimanche à nos gens. J'aime te serrer pour mieux te sentir toute, toute. J'aime te serrer et te garder longtemps. J'aime t'embrasser parce que j'aime, parce que j'aime t'enlacer. Parce que j'aime caresser ton petit corps de 20 ans. Simplement sentir dans mes veines la vie battre à grands coups. Ne jamais te faire de peine, je n'en demande pas beaucoup. J'aime t'embrasser parce que t'as la peau douce, douce. J'aime t'embrasser parce que j'aime le printemps. Autour de toi, il y a des valses qui tournent, tournent. Autour de toi, c'est dimanche à nos gens. J'aime te serrer pour mieux te sentir toute, toute. J'aime te serrer et te garder longtemps. J'aime t'embrasser parce que j'aime t'enlacer, parce que j'aime caresser ton petit corps de 20 ans. C'est parce que j'ai besoin de ça, te bercer parce que t'es faite pour ça, pour aller dans mes bras. J'aime t'embrasser parce que t'es faite pour moi. Un amour de la femme. Dans la clarté d'un jour d'été de silence, une barque s'avance vers l'île de beauté. Si ton joleur au flot berceur qui nous attire, tu gardes le sourire des femmes et des fleurs. Chanteur, où la vie s'écoule en un décor d'azur et d'or, nuit de velours, plus douce que le jour, tu nous donnes. bonheur, il est d'amour. Sous ton beau ciel, ton gai soleil, pense chérie, calme et douce est la vie, et le bonheur trop court. Sans me lasser, je veux chanter l'âme ravie, la douce mélodie qui me berce toujours. Île d'amour, paysage enchanteur, où la vie s'écoule en un décor d'azur et d'or et de velours, plus douce que le jour. Voici donc qui s'appelle Jules Collet et le titre La femme que j'aime. Femme, femme, simplement je te dis que je t'aime, je t'aime. T'es comme un soleil. demandais si tu me le demandais. Mes amis, si tu me le demandais, pour te bien rire de moi, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio, Radio Arc-en-Ciel. Donc à partir de ce soir, à partir de 19h jusqu'à 21h, vous allez retrouver tout simplement Christophe avec l'émission Electric Choc. Et puis donc demain, dès partir de 7h jusqu'à 9h avec Francky, tout simplement avec Francky au réveil, juste après avec Victor entre 9h jusqu'à midi avec Portugal en festa. Et puis juste après, vous allez retrouver dans la fin d'après-midi à partir de, oui c'est ça, entre 14h jusqu'à 16h avec Gloria, et puis c'est là, juste après, en fin d'après-midi avec Violette, l'émission traditionnelle entre 18h et 19h30. Pour jeudi et jeudi matin, à partir de 9h jusqu'à midi, avec le titre de l'émission Vase de Portugal avec Armand et Zéro. Le titre, tout simplement un roman d'amitié, et puis juste après, une des chansons toutes seules, tout simplement de Elsa, avec tout simplement le titre s'appelle Quelque chose dans mon cœur. <t'-> Thank you. Et la peur que j'oublie. Tu sais, c'est la mélodie pour un amour qui n'a pas duré toujours, mais qui a laissé pourtant depuis si longtemps toute sa fraîcheur au fond de mon cœur. Car nous n'étions que deux enfants qui s'aimaient bien tendrement, qui découvrait la vie comme un nouveau fruit et croyait encore à l'île au trésor. Joue, toi qui es musicien, joue seulement ce refrain. Tu sais, c'est la mélodie pour deux enfants qui n'ont pas compris à temps que leur chanson d'amour resterait pour eux jusqu'au dernier jour. La mélodie d'un grand amour joue. Voici tout simplement, elle s'appelle voici Emmanuel avec tout simplement premier décès et suivi de Annie Cordy. Changer sur une plage en été, premier amour, un beau jour qui vient vous emporter. Ça ne s'oublie pas quand c'est la première fois. Toi et moi, cachés dans les rochers, premier soupir baisers volés, un perdu, 10 heures trouvées, aussi vite donné que repris, rue de la grande truanderie. Il a les baisers envoyés par la main ou par les courriers, des sentiments comme égarés, rue du départ, rue de l'arrivée. Et puis il y a les baisers du cœur, ceux dont l'adresse porte mon nom, des baisers de toutes les couleurs. Et puis il y a les baisers du cœur, grands et blancs comme le Sacré-Cœur, les baisers de mon cœur, les baisers de mon cœur. De ma bouche, ceux qui s'approchent et qui te touchent, de leur direction maladroite, un peu rive gauche, un peu rive droite. Il y a les baisers de ma langue, ceux des désirs qui se mélangent, les chemins qui se cherchent encore, rue de la paix, rue du trésor. Et puis il y a les baisers du cœur, ceux dont la les baisers de toutes les couleurs. Et puis il y a les baisers du cœur, forts et doux comme le Sacré-Cœur, les baisers de mon cœur, les baisers de mon cœur. Mais je t'aime. Je suis pas dragueur, pas frimeur, pas bon danseur, mais je t'aime. Je suis pas du genre parano, pas mégalo, mais je t'aime. Je suis plutôt jeans et moto, faut ce qu'il me faut, mais je t'aime. Playboy impeccable, caviar à table, mais je t'aime. Je suis pas Newman, pas Brando, je suis pas très beau, mais je t'aime. T'auras pas une grande villa, remplie de lilas, mais je t'aime. T'auras mon nom, oui, je t'aime. tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Une autre chanson en duo avec tout simplement Peter Sloan, besoin de rien, envie de toi. Le jour se lève. Besoin de rien, envie de toi. Comme j'avais envie de personne. Thank you. Dans le

arc-en-ciel, un amour de la femme. Voici donc qu'il s'appelle tout simplement Julien Clerc, femme que j'aime, et suivi Daniel Balavoine, il s'aime. Quelquefois si douce, quand la vie me touche, comme nous tous, alors si douce, quelquefois si dure, que chaque blessure me dure, longtemps me dure. Si drôle, sur un coin d'épaule, oui, si drôle, regard qui frôle. We'll be right back.

serment, toujours plus fort des amants. Son petit, petit, à côté de mon amour, l'amour que j'ai. Seulement l'amour, et voici Charles Aznavour. Le titre tout simplement s'appelle L'amour, c'est un jour. Le soleil brille à plein feu, mais je ne vois que tes yeux, la blancheur de ton corps nu devant mes mains éperdues. Viens, ne laisse pas s'enfuir les matins brodés d'amour. laisse pas mourir les printemps de nos plaisirs. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour, c'est comme un jour, le soleil en ripaille et de lune en chamaille et de pluie en bataille. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour, c'est comme un jour d'un infini sourire, d'une infinie tendresse, d'une infinie caresse. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va, mon amour. Notre été s'en est allé, et tes yeux m'ont oublié. Te souviens-tu de ce jour où nos cœurs parlaient d'amour? Nous n'avons pu retenir que des lambeaux de bonheur. S'il n'y a plus d'avenir, il nous reste un souvenir. C'est comme un jour, ça s'en va l'amour. C'est comme un jour, le soleil en ripaille et de lune en chamaille et de pluie en bataille. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va l'amour. C'est comme un jour d'un infini sourire, d'une infinie tendresse, d'une infinie caresse. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va, mon amour. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Voici donc que je vous laisse avec tout simplement Michel Berger. Le titre s'appelle tout simplement Quelques mots d'amour et puis suivi de Cut Loris. Je me retourne. Yeah. même pas qu'on me stresse au boulot. Moi, faut que je fasse gaffe, après j'ai des crampes au cerveau. Ouais, mais j'ai déconné, j'étais bien payée. Résultat, y'a mon mec qui fait la gueule. J'ai largué mon mec, j'en pouvais plus. Voilà, donc on va terminer cette émission avec cette chanson avec Kat Loris et on se retrouve donc prochainement. Voilà, donc je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes et à la prochaine. Merci, bonsoir. Même ma mère me fait la gueule. J'ai viré ma mère, escouattée à la maison. Elle me pompait l'air avec ses reproches, ses questions. J'ai pas assuré, moi j'ai pas cuisiné. Résultat, c'est mon chien qui fait la gueule. Chien séparé, il est retourné chez sa mère. J'ai pas insisté, il fait trop bien les yeux coquets. Ouais, je suis dégoûtée, en tout simple c'est tombé. Résultat, je me retrouve seule avec ma gueule. Il a une drôle de gueule, c'est pas vrai, il est moralité.